C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Oui, la magie de Noël. Oh, the weather outside is frightful. Je vous imagine encore, auditeur, auditrice d'RTL, au début du mois de décembre, en vous disant Noël arrive. Mais qu'est-ce que la première radio de France nous a réservé comme surprise? Et puis allumez votre radio lundi et découvrir que votre semaine de Noël, vous allez la passer avec Caroline Diamant et votre humble serviteur. Et vous vous dites que vous serez beaucoup plus sage cette année pour avoir de jolis cadeaux sous le sapin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors, puisqu'on parle de cadeaux, une nouvelle fois ce matin, on a de belles choses à vous offrir. Et tout d'abord, un magnifique séjour à Disneyland Paris. Effectivement, êtes-vous plutôt princesse ou pirate? Bruno, je pense que vous êtes pirate. Non, je suis princesse, mais je l'assume pas bien. Choisissez votre camp lors du Festival Pirate et Princesse du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland Paris. Lors de cette célébration interactive, profitez d'un incroyable concentré de royauté, d'aventure et de personnages Disney. RTL vous invite à choisir entre Conte de fées enchantées ou Aventure de pirate. Épée ou couronne, boulet de canon ou robe de bal. Vivez une expérience féerique à Disneyland Paris. Ouais, deux jours de rêve avec des entrées limitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Et je peux vous dire que Fatia, qui attend au standard, elle s'y voit déjà avec ses enfants. Bonjour Fatia! Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Fatia. On s'y voit. Bienvenue sur RTL. Même moi, je me suis vu avec une robe de princesse. Alors, Fatia, on a parlé du séjour à Disneyland Paris. Si vous avez écouté l'émission hier, il y a également d'autres cadeaux. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée à notre quiz. Hier, on a un auditeur qui est parti avec un téléviseur 4K 49 pouces. On a également des PlayStation, des iPads, des iPhones, des MacBooks. Bref, c'est un Noël féerique que vous allez fêter sur RTL. Fatia, parlons un peu de vous. Vous êtes professeur des écoles à Franconville. Oui, tout à fait. On est dans le Val-d'Oise, vous m'avez fait un petit oui. Mais je la sens stressée, moi, Fatia. Vous êtes stressée? Un petit peu, ouais. Je suis très émue de me retrouver parmi vous ce matin. Ça fait tout drôle parce que c'est vraiment... C'est vraiment Julien Courbet qui cherchait à joindre. Non, pas du tout. Mais je dis, c'est le rêve de mon fils que je puisse être sélectionné à l'émission et que je le sois. Il dit, tout le monde est tout fou. C'est les fêtes qui continuent, en fait. Voilà. Bon, alors, super. Vous savez quoi? Pour vous détendre, un peu de musique. Nous avons une passion en commun, les Beatles. Ah ouais. Un autre petit. Et alors même, si on devait gratter un peu plus au niveau des Beatles, un des Beatles en particulier, qui était en concert il y a à peine un mois avec RTL. Ouais, John Lennon. Non, McCartney. Paul McCartney. Et alors, vous savez quoi? J'ai choisi ma chanson préférée de Paul McCartney et je trouve qu'elle va très bien avec l'esprit de Noël. Petit extrait. À Noël, vous êtes un cheval dans le désert, vous donc. Mais je pense pas. Je dis rien. Je suis juste la mélodie. Vous auriez pu mettre du U2, donc je ne dis rien. Quel âge ont vos enfants, Fatia? Alors, mon grand a bientôt 10 ans. D'accord, il s'appelle comment? Dans quelques jours. Il s'appelle Naël. Ouais. Et ma petite, Anya, a 5 ans. D'accord. Oh là là, mais c'est génial. Pirate et princesse pour eux, vous imaginez? Ouais. Parfait. Ah mais oui, là c'est... On a le combo parfait. Bah maintenant, ça va dépendre. Le rêve, tout à ça fait. Va dépendre de vous, Fatia. Vous connaissez le principe du grand quiz? Vous l'aviez détendu, vous l'avez stressé d'un coup. Bah oui, mais je suis obligé. À un moment, voilà. Encore un peu de musique peut-être. Bon, alors encore un petit peu. Ah super. Il le dit, il y a sûrement une réponse. There will be an answer. Et bien justement, des réponses, il va falloir en donner un maximum à Caroline qui vous pose les questions. C'est la règle, c'est basique, c'est la règle du grand quiz. Si vous ne savez pas, vous passez. Fatia, est-ce que vous êtes prête? Oui, prête. C'est parti. Top chrono. Dans le dessin animé Peter Pan, comment s'appelle la gentille fée? Clochette. Quelle application de rencontre a pour logo une petite flamme? Je ne sais pas, passe. Quel instrument du dentiste peut être aussi un fruit? Je passe. Quel humoriste est l'auteur du sketch La Chauve-Souris? Bigard. Quel couvert fait la réputation de la ville de La Guiole? Les couteaux. À qui doit-on la bande dessinée L'Arabe du Futur? Riyad Satou. À quelle salle de spectacle associe-t-on Bruno Cocatrix? L'Olympia. À quel chanteur britannique doit-on les tubes Phil et Angels? Robin Williams. Quel célèbre aviateur pilota le Spirit of St. Louis? Je passe. Dans quel département se trouve la station de ski de Valmorel? Je passe. Sous quel nom connaît-on mieux le chanteur Daniel Bévilacqua? Je sais pas. Oh là, vous savez pas, moi j'ai envie de crier. Non. J'ai envie de crier, Aline. Oh, mais oui, Christophe. Et c'est là où vous voyez que cette émission est préparée à l'avance, puisque je crie Aline de Christophe, bah oui. Et ce sont les mots bleus qui partent. C'est un petit peu le résumé de ma carrière que vous êtes en train de vivre en l'espace de 3 secondes. J'avais même pas tilté. J'ai crié les mots bleus pour qu'elles reviennent. Bon, Fatia, vous savez quoi? On va faire un point sur vos bonnes réponses dans quelques secondes. Vous restez avec nous sur RTL, d'accord? Ça marche. Allez, à tout de suite. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est tout l'équipement informatique d'Eric qui change. Avec 10% en cagnotte sur tous les ordinateurs portables, unités centrales et tablettes de marque Acer. Eric, chez Auchan, le dernier cri en matière de technologie, c'est souvent un cri de joie. Avec 10% en cagnotte, on comprend pourquoi. Wouhou ! Jusqu'à lundi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 10% en cagnotte sur tous les ordinateurs portables, unités centrales et tablettes Acer. Et votre équipement informatique change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Bah, la prime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4 000 € minimum pour l'achat d'une Opel. Un compte de Noël, quoi. Et puis en fait, c'était vrai, j'ai raté l'offre. Bon, bah, depuis, je crois à tout, moi, le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Eh ben, répétez-le pas, hein. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4 000 € pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur Opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Faites les fêtes chez Géant. Jusqu'à dimanche, pendant les heures géantes de 11h à 13h et à partir de 17h, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur les saumons fumés et les foie gras. Oui, jusqu'à moins 50% sur les saumons fumés et les foie gras pendant les heures géantes. Joyeuses économies à tous chez Géant. Ouverture exceptionnelle ce dimanche toute la journée. Remise sous forme de bon d'achat. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Pour votre santé, bougez plus. C'est le grand quiz de Noël. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. Et Fatia, qui attaque ce jeudi matin avec nous sur RTL. Fatia, on va revenir sur les réponses que vous avez données tout à l'heure, si vous le voulez bien. L'application de rencontre qui a pour logo une petite flamme. Vous avez passé, et c'est normal, vous êtes une femme mariée. Heureusement pour votre Noël que vous n'avez pas trouvé la réponse. Parce que je pense que si j'étais votre mari et que j'écoute et que la réponse fuse, honnêtement, j'aurais une paire de boulasses de Noël. Non, on est pour la paix des ménages, ouais. C'est Tinder. Et vous ne savez pas ce que c'est. Question, hein. Non, mais je ne savais vraiment pas, là, pour le coup. Quel instrument du dentiste peut être également un fruit? Vous avez passé à regarder en un seul bruit. Ah, la fraise, ouais. Non, mais stop. Alors, pour votre information, chère Caroline, mais comme on touche au domaine de la cuisine, je sais que ce n'est pas là où vous excellez. Oui, on ne dit pas la gueule, on dit la gueule. On ne prononce pas le G. Mais je me suis dit, ça va aider si je dis la gueule. Oui, et après vous m'avez dit, ferme ta heule. Mais là, par contre, on met le G. Spirit of Saint-Louis a été piloté par Charles Lindbergh, d'accord. Et puis, dans quel département se trouve la station de ski de Valmorel? Représente le hard corps des montagnes en direct de la Savoie. Savoie, on s'en va pas, c'est le cagnard, on se perd les rouleaux. Bordel, les vins plus froids dans ton frigo. Un pied dehors direct, c'est la pharyngée. La mort venait, le microbe, tu s'agites. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant que tu seras tout dur comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papas poules. Mais un conseil, mon gars, faut ta cagoule. Faut ta cagoule, faut ta cagoule. Je suis fan. C'était la Savoie pour la station de Valmorel. Bon, alors. Cher Fatia, la question c'est, d'après vous, combien de bonnes réponses avez-vous cumulées? Je vais en avoir 4 ou 5, là, c'est pas top. Hein. Eh ben, vous savez quoi, mais tout augmente, ma pauvre Fatia, tout augmente, la preuve. Vous aviez 4, il y a 2-3 ans, vous auriez eu 4 ou 5, mais là, cette année, avec les taxes, Je vous en mets 6, moi, des bonnes réponses. Hein. Ah, bon, bah. Alors, la question, c'est est-ce que ça va être suffisant pour repartir avec le séjour à Disneyland Paris? Ça, on va le savoir tout à l'heure, juste avant 10h du matin. D'accord? Pour l'instant, d'accord, la certitude, c'est que vous allez partir avec une magnifique montre RTL que je vous envoie du côté de Franconville. D'accord, Fatia? Avec plaisir. Ça tombe bien parce que c'est là qu'elle habite. Eh ben oui. Oui. C'est bien fait quand même, hein, c'est fou. Ouais. Fatia, je vous embrasse peut-être à tout à l'heure. Merci, je vous embrasse tous les deux. Bisous à vous et à au vos revoir. Enfants. Merci. On vous dit au revoir sur les Beatles. Bon, je disais peut-être avant 10h du matin, car Fatia ne va pas être la seule à jouer. Et la preuve, nous accueillons Olivier. Bonjour Olivier, bienvenue sur RTL. Bonjour. Bonjour Olivier, bienvenue sur la première radio de France. Ça va? Très bien, ça va très très bien. Bonjour Bruno et bonjour Caroline. Vous avez un métier, et d'ailleurs je vous salue, travailler ainsi un 27 décembre, c'est magnifique, vous êtes vétérinaire. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, j'ai envie, les amis, d'ouvrir une page dans cette émission musique. Vous connaissez peut-être, Olivier, le générique de l'émission La France a un incroyable talent. Et avant de vous accueillir à l'antenne, Caroline m'a dit « Mais Bruno, est-ce que tu connais la chanson sur le vétérinaire ?» Et moi, je lui dis « Bah non, je la connais pas. » Elle me dit « Non, mais je peux pas la chanter. Moi, j'ai envie. » Et je pense que le reste de l'équipe, la mère Foura adorerait, Jules adorerait, François Touchard. Moi, voilà, le studio, la majorité de ce studio aimerait avoir cette magnifique chanson du vétérinaire. La radio est ouverte. Vous êtes sur la première radio de France. Caroline, la France vous écoute. C'est à vos risques et périls. Il n'y a pas de souci. Alors. Très bien. Et on peut dire aux gens, tout le monde peut écouter. C'est vraiment une chanson familiale. Ah oui, vraiment. On est rapprochez les enfants du poste. On est dans l'esprit de Noël. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais rajouter des petites clochette sur la chanson. Alors, la chanson du vétérinaire, de quoi s'agit-il, Caroline? Alors, bah écoutez, je propose d'aller dans le vif du sujet tout alors, de suite et de vous oui. la chanter. Voilà, allons-y. Mon frère était vétérinaire, il soufflait dans le trou de qui des chevaux, avec un petit tube en verre, pour les rendre plus forts, plus beaux. Magnifique. Mais un jour, ce fut le contraire, le cheval souffla le premier, ce qui fit éclater mon père, et sur sa tombe, on a marqué mon frère était vétérinaire. Ça y est, il y a une croix, il y a deux croix. Ah, et là, Christopher Bellé, le patron d'RTL, qui vient de buzzer une troisième fois. Ah, Noël. Je peux vous dire que des chants de Noël, j'en ai eu, mais là, celui-ci. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. La France ne méritait pas ça, je suis d'accord avec vous. Olivier, est-ce que vous qui êtes vétérinaire, est-ce que vous connaissiez cette chanson? Oui, en plus, on l'a entendu une fois aux Grosses Têtes. Oui. Ah bon, alors si elle a été diffusée aux Grosses Têtes. Non, mais je suis un fidèle des Grosses Têtes, donc j'ai déjà entendu. Bon, eh bien, vous savez quoi? Le temps de souffler où on peut, on va revenir dans quelques secondes et c'est moi qui vais vous poser les questions, d'accord? A tout de suite, Olivier. Oui, bien, à tout de suite. Bonjour Laurent. Bonjour Jade. Et bonjour Dominique Strauss-Kahn. Les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de retrouver sa femme, ses enfants, ses amis, et d'être tous autour du tapin. Alors, bonne fête de fin d'année. Monoprix, tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie mais juste pour sniffer de l'air iodé. Le réveillon, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle, 20% de réduction sur tous les caviars, aujourd'hui seulement. Monoprix, voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le montant de cette déduction. Intersport. Avant, Sophie repoussait toujours sa séance de sport. Moi, j'irai peut-être demain ou le mois prochain. Mais depuis qu'elle a profité des ventes privées sur les plus grandes marques de sport... Qui vient courir avec moi? Là, maintenant, tout de suite? Jusqu'au 7 janvier, ce sont les ventes privées chez Intersport. Grâce à votre carte Intersport, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles. C'est jusqu'à 50% de réduction et 100% de sport en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions, dates et listes des magasins participants sur intersport.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur des réveillons. Chez Carrefour, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo. Non mais c'est dingue, 15 euros en bon d'achat sur tous les jeux vidéo. Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? Bah c'est moi. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo avec votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Hors console et accessoires, offre limitée à 180 euros d'achat. Bon d'achat valable du 31 décembre au 6 janvier, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Conforama, le confort pour tous. Quand on veut profiter des ventes privées sans se priver, nous, on propose jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits avec la carte Confo Plus. Encore une bonne raison d'avoir la carte. Conforama, jusqu'au 7 janvier, magasin participant et conditions sur conforama.fr. Le grand quiz de Noël sur RTL. Et Olivier est vétérinaire du côté de Théoul-sur-Mer. Je vais avoir cette chanson en tête toute la journée, je vous l'annonce. Olivier, je vous pose les questions. Vous avez entendu tout à l'heure Fatia donner 6 bonnes réponses. Si vous voulez être dans la course pour le séjour à Disneyland Paris, il faut au moins 6 bonnes réponses. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pourrez choisir l'une des enveloppes de Maman Noël et peut-être gagner MacBook, iPhone ou autre PlayStation. Est-ce que vous êtes prêt, cher Olivier? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Dans Le Père Noël est une ordure, quel cadeau Anémone offre-t-elle à Thierry l'Ermite? Un pull. Quel animal peut être musqué, d'opéra ou de bibliothèque? Je passe. Que disait-on dans l'émission Le Maillon Faible pour placer l'argent gagné? Je passe. Quel chanteur vient de sortir un album intitulé Ce soir on sort? C'est Bruel. Chez les cahiers, quel numéro désigne le plus petit calibre d'huître creuse? 4. Quel phénomène lié au soleil est visible depuis le pôle Nord? Les aurores boréales. Quel acteur a réalisé le film Taxi 5? Je passe. Quel mot anglais désigne un brillon à lèvres? Rouge à lèvres. Qui a écrit Les particules élémentaires? Houellebecq. Exactement, Michel Houellebecq. Je me tourne du côté de la mère Foura. On le prend pas. Houellebecq, on prend Houellebecq. Très bien. Bon, eh bien, ça va s'ajouter à d'autres bonnes réponses, car il y en a quelques autres. Et nous allons revenir justement sur vos réponses avec Caroline. Dans Le Père Noël est une ordure, le cadeau qu'Anémone offre à Thierry l'Ermite, vous avez répondu un pull, c'est un gilet. Ah bah oui, c'est un gilet. Est-ce que la mère Foura accepte cette réponse? Ah oui, vous l'acceptez? Ah, moi, bah, qui suis du Père Noël, je l'aurais pas. Mais bon, c'est la mère Foura qui... On a l'extrait. Oh, une serpillière, Thérèse, c'est magnifique. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre 3 secondes? Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah, ben bien sûr. Ah, ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors. J'adore cette scène. L'animal qui peut être musqué. D'opéra ou de bibliothèque, c'est le rat, bien sûr. Et dans l'émission Le Maillon Faible, pour placer l'argent gagné. Banque ! Oui, c'est exactement ça. Le chanteur qui vient de sortir un album intitulé Ce soir on sort, c'est effectivement Patrick Bruel. Des regards, des mains serrées, aux terrasses des cafés. Ce soir on sort, on va marcher. Et c'est le titre « Ce soir, on sort », donc titre éponyme de l'album. Chez les cahiers, quel numéro désigne le plus petit calibre d'huître creuse? Vous me proposez 4, je vous réponds 5. Oui, des numéros 5, ouais. Ouais. C'est d'ailleurs très difficile à comprendre au début quand on veut manger des huîtres, que le plus petit correspond à la taille la plus grande et inverse. Ça aurait quand même été plus simple d'aller du plus petit au plus grand. Eh ben, vous allez descendre dans le bassin Marino Liron, vous allez leur expliquer. Ils vous attendent. Bah, excusez-moi, mais moi je suis logique. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, vous avez raison, les aurores boréales sont visibles depuis le pôle Nord. L'acteur qui a réalisé le film Taxi 5, c'est Frank Gastambide. Allô, Hamid, qu'est-ce qu'il y a? T'as reçu la voiture? Oui, on est en train de récupérer la voiture là, oui. C'est quoi le numéro du conteneur? C'est quoi le numéro du conteneur? 668. C'est celui-là. Alors voilà le fameux taxi. Donc c'était vrai toutes ces histoires? Bien sûr que c'était vrai. Toi tu me prends pas pour un mytho. Hein. Avec Malik Bentala. C'est une légende à Marseille. L'excellent Malik Bentala, effectivement. Le mot anglais qui désigne un brillant à lèvres, c'est un gloss. Et les particules élémentaires, vous aviez raison, c'est Michel Houellebecq dans le gong. Ce qui nous donne à l'arrivée, Olivier, un total de 4 bonnes réponses. Et pas ce sera pas assez pour le séjour à Disneyland Paris, mais on va vous envoyer une montre RTL. Ben super. Voilà, et un petit enregistrement de ma chanson. Allez, c'est cadeau, voilà, c'est et je la dédicace. On vous embrasse, Olivier. Bisous à vous, Olivier. Bon Noël. Bon, merci. Au revoir. On a le temps de jouer une nouvelle fois avant 10h du matin. Si vous, vous pensez pouvoir faire mieux que Fatia et avoir plus de 6 bonnes réponses, et ben le séjour à Disneyland Paris. Et pour vous, on se retrouve sur RTL juste après ça. Le grand quiz de Noël sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter 12,29€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs ? Bien sûr, mon chéri. En ce moment, chez Intermarché, le pack de lessive 3 en 1 Pots Original Ariel est à seulement 12,29€, avec en plus 70% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 6 janvier, pack de 972 grammes, soit 12,64€ le kilo. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Si quelqu'un vous propose de roche-mazé, ne vous étonnez pas. Roche-Mazé, c'est savouré en toute simplicité. Des vins et des arômes issus du Pays d'Oc. On peut par exemple roche-mazé sur des tapas. Roche-mazé en rouge sur une côte de bœuf. Ou en blanc sur du fromage. Sauvignon, merlot ou encore syrah. On peut vraiment roche-mazé avec toutes les saveurs. Roche-mazé, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Écoutez bien. Vous n'entendez rien ? Non, toujours pas. Et pourtant, ils sont là. En France, plus de 150 000 personnes vivent dans la rue et dans l'indifférence. Aidez-nous à agir. Donnez sur don.fondationabbépierre.org. Merci. Fondation Abbé Pierre. Être humain. Cyril, tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest. Parce que c'est divin. Et foie gras, ça va avec Sud-Ouest. C'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, patron ? Oh là, je crains le pire. Bah désolé, mais vous allez voir rouge, patron. Hein, parce que demain et après-demain, chez Lidl, ils font la barquette de 250 grammes de tomates cerises à 69 centimes. 69 centimes, la barquette de 250 grammes de tomates cerises ? Tu me mènes en bateau, là ? Ah non, en barquette de 250 grammes, patron. Eh ben, on est très mal. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 2,76€ le kilo, catégorie 1, origine Maroc. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Chers voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein ! Ici, les prix descendent à 0€. Ah oui, 0€, c'est la magie de Noël. Et ça fait surtout chaud au cœur. Oui, oui. À Noël, chez SFR, il gèle sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0€ par mois, puis 4€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Si vous voulez roche-mazé et explorer de nouvelles saveurs, un conseil, les accords de roche-mazé en blanc avec une verrine de Saint-Jacques aux châtaignes. Roche-mazé, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et Nelly, qui nous attend du côté de Villeneuve-sur-Cher. Bonjour Nelly. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Caroline. Bonjour Nelly. Bonjour bienvenue. Bruno. Bienvenue sur RTL, Nelly. Merci. Et merci. Belle fête de fin d'année. Merci d'être avec nous ce merci matin. Merci à vous aussi. Aide auxiliaire dans une crèche. Alors, on ne parle pas de la crèche avec les rois mages, le non. Petit Jésus au milieu. Et qu'est-ce que vous en savez ? Oui, peut-être. Pourquoi elle n'aurait pas le droit d'être aide auxiliaire dans la vraie crèche ? Enfin, alors. Il y aurait juste un enfant, ce serait super. Exactement. C'est pas la crèche idéale. Non, non. Et on sait qu'à 33 ans, il se barre. Ou comment résumer l'esprit et la magie de Noël en l'espace de 10 secondes. Et voilà, casser les mythes. Jésus, t'as 18 ans, tu vas pas rester. Hein. C'est pas tout ça quand même. Bon, Nelly, vous avez entendu ce qui s'est passé tout à l'heure. 6 bonnes réponses pour repartir avec le séjour à Disneyland Paris. Mais je ne résiste pas au plaisir d'écouter un peu de musique grâce à vous. Vous savez qu'on demande hors antenne si vous avez des artistes que vous aimez tout particulièrement. Et j'avoue que c'est avec un grand plaisir... Je vais passer un vieux son de Maxime Le Forestier. J'adore ce titre-là. Génial. Ouais. Ça amène un petit peu de soleil. ça réchauffe un petit peu. Mais oui. Mais après, quand on va sur les plus anciennes, j'adorais également toi, le frère que je n'ai jamais eu. Si tu avais vécu, si tu avais été vétérinaire, tu aurais soufflé. Dans... Pardon, excusez-moi. vous êtes éclectique, donc il y a également dans la playlist de Nelly des artistes internationaux et notamment Coldplay. J'adore. Ouais. C'est-à-dire que quand on tape Coldplay sur une playlist, c'est difficile de passer à côté d'un titre qui n'a pas marché. C'est dingue, hein. Vous étiez critique musicale, vous, non ? J'ai l'impression. C'est toujours très pointu hein, quand vous parlez de musique. Ah ouais, Caroline. Non, mais c'est des titres, ça me fait voyager, moi. Il y a une combinaison de notes. Merci. Oui, ça suffit. Regardez, même Nelly vous dit merci, stop. Bah, vous avez qu'à me dire ta gueule, Nelly aussi. Ah non, du tout. Alors, je me permettrai pas. Ah non, mais alors vous pouvez. Pas, vous savez quoi ? Je vous adore, alors non. Bon, Nelly. Oui. C'est Caroline qui va vous poser les questions. D'accord. Oui. C'est donc à vous d'amener un maximum de bonnes réponses. Il en faut 6 pour être dans la course. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pourrez choisir une des enveloppes de la mère Noël. Est-ce que vous êtes prête ? Eh bien, oui. Avec quoi les papillons aspirent-ils le nectar des fleurs ? La trompe. Quel était le nom du groupe formé par la famille Jackson ? Jackson 5. Quelle est la nationalité du footballeur Diego Maradona ? Argentin. Dans quel jeu de société doit-on compléter son camembert en répondant à des questions ? Trivial poursuite. Dans quel film pouvait-on retrouver Chaudard, Pithiviers et Tassin ? Je passe. Quelle est la couleur de prédilection de Michou, le fameux directeur de cabaret ? Bleu. Quel fromage alsacien se déguste traditionnellement avec du cumin ? Du master. Quelle princesse Disney a les plus longs cheveux ? Réponse. Combien y a-t-il de grammes dans un quart de livre de beurre ? Passe. À quel compositeur doit-on la musique des films Le Grand Blond avec une chaussure noire et La Boum ? Passe. Comment appelle-t-on le modèle en tissu ou en papier d'après lequel... Oh là là, ils m'ont fait des signes, là. La mère même fourra. Pas eu le temps de... Ah oui, non, mais alors là, la mère fourra, je peux vous dire que... Autant quand on fait le grand quiz de l'été avec la chaleur, des fois, on peut essayer de faire passer un truc, mais là, je peux vous dire qu'elle est raide comme la justice. Ah bah oui, là, c'est sûr que juste après Noël, comme ça... Nelly, on va revenir sur vos réponses, il en faut 6. Ouais. Pour que vous puissiez prétendre au séjour à Disneyland Paris. Oui. Les frères Jackson formaient les Jackson 5. Pierre Mondy et Chaudard, Jean Lefebvre et Pithiviers, Aldo Macchione et Henri Guibet après ont joué le rôle de Tassin, mais bien sûr. Ça revient après. Film culte. Je sais pas si je les ai vus. Ah, franchement, c'est toujours un plaisir de les voir. En fait, ce qui est agréable dans ce genre de film, c'est l'aspect troupe, l'aspect collégial et de voir qu'ils ont passé un moment extraordinaire à tourner ensemble. C'est vraiment très très drôle. Quelle est la couleur de prédilection de Michou ? Oui, bien sûr, c'est le bleu, le Munster, c'était bon. Réponse, c'était également très très bon. Le gramme, combien y a-t-il de grammes dans un quart de livre de beurre ? Il y en a 125. 125, ben oui. Et le compositeur ? Le grand blond et la chaussure noire. Franchement, quand on parle de compositeur de cinéma... Le nom qui vient tout de suite, c'est lui. Mais c'est facile à dire quand on n'est pas dans un questionnaire avec la contrainte du temps. Vladimir Kosma. Mais oui. Vladimir Kosma. Bon. Nelly. Oui. Il me faut 6 bonnes réponses. Est-ce que vous les avez ? Oh, j'ai bien peur que non, mais bon. C'est vrai qu'elle n'a pas si bonne réponse. Non, elle n'a pas si bonne réponse, Nelly. Non. Vous en avez 7, vous partez à Disney. Oh, bravo. Oh, super. Félicitations. Oui, on était un autre cadeau de Noël. Ah oui. Vous allez passer 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs. Disneyland Paris, Walt Disney Studios. Oh là là. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète et vous allez profiter du festival Pirates et Princesses. Merci RTL, merci. Félicitations à vous. Nelly, on vous embrasse. Merci Caroline. Merci. Vraiment, j'étais ravie de jouer avec vous. C'est super. Vraiment, vous êtes géniaux, quoi. Eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vais faire quatre vrai. Heureux. Je vais faire quatre heureux et ça me remplit de joie, quoi. Bon, ben, écoutez, je suis ravie. Bravo. On vous embrasse. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous avons encore une heure à passer ensemble. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que, hop, un séjour offert, qu'à cela ne tienne, il y a un autre séjour qui arrive juste après les infos que vous allez découvrir maintenant, puisque vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Olivia Leray. Bonjour Olivia. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Peter Sherif déféré cette nuit devant la justice pour exécuter une peine de 5 ans de prison, peine prononcée en 2011 contre le djihadiste pour ses liens avec Al-Qaïda en Irak. Sherif avait disparu au dernier jour de son procès. Ce proche des frères Kouachi, auteur des attentats contre Charlie Hebdo, doit également être présenté à un juge d'instruction dans le cadre d'une nouvelle information judiciaire. Les flammes ont tué cette nuit dans l'Orne. Incendie mortel à Tanville, une maison s'est embrasée vers 2h du matin. Les pompiers ont retrouvé deux victimes à l'intérieur, un adolescent de 15 ans et une femme d'une soixantaine d'années. Un homme a lui réussi à s'enfuir, il est sain et sauf. Information de notre correspondant RTL, Frédéric Veille. Un enfant de 12 ans sauvé hier dans les Alpes après 40 minutes sous la neige. Il a été extrait d'une avalanche par les gendarmes du PGHM. L'enfant faisait du hors-piste sur le domaine de la Plagne en Savoie. Il ne souffre que d'une fracture de la jambe. Les routiers seront reçus au début de l'année prochaine par le gouvernement. Réunion consacrée aux difficultés rencontrées par les entreprises du secteur, particulièrement éprouvées par le mouvement des Gilets jaunes. L'idée, dit le ministère des Transports, c'est d'identifier les problèmes économiques et leur apporter un soutien. En ce qui concerne les festivités du Nouvel An, le feu d'artifice, le spectacle son et lumière organisé chaque année sur les Champs-Élysées, tout est maintenu, assure la mairie de Paris. La visite surprise de Donald Trump en Irak, c'est sa première sur une zone de conflit. Dans son discours, il a justifié le retrait des troupes américaines de Syrie. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à être le gendarme du monde. Fin de citation. En Indonésie, 5 jours après le tsunami, l'activité du volcan à l'origine de la vague meurtrière inquiète. Le niveau d'alerte a été relevé. Les habitants doivent se tenir à l'écart du littoral. Depuis hier, le bilan humain n'a pas bougé. 430 morts et plus de 1400 blessés. Les humanitaires craignent toujours une crise sanitaire. L'ex-patron du contre-espionnage chinois condamné à la prison à vie, Ma Jian, avait été arrêté en 2015. Il est considéré comme l'homme qui a régné des années sur les puissants services d'espionnage et de contre-espionnage. Il a été reconnu coupable de corruption, notamment d'avoir touché des pots de vin. Les courses à Vincennes aujourd'hui, attention, le 14 est non partant. Bernard Glass vous conseille de jouer le 5, le 6, le 8, le 10, le 11, le 3, le 7... Et le 2, la dernière minute de Bernard Glass, c'est le 6. Et puis la météo, matinée toujours assez froide, surtout sur le nord-est, avec de nombreux brouillards, parfois givrants. Des Hauts-de-France à l'Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par le Grand Est, le temps est plutôt ensoleillé tout au long de votre journée. En montagne, profitez, le soleil domine sur l'ensemble des reliefs avec des conditions très agréables, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Les températures cet après-midi, 1 degré à Metz, 3 à Paris et à Lyon, 5 à Rennes, 8 à Cherbourg, 10 à Bordeaux, 12 à Biarritz et 14 degrés à Nîmes. Bonne matinée sur RTL, il est 10h03 et c'est la suite du grand quiz de Noël avec Bruno Guillon et Caroline Diamant. RTL, on a tellement de choses à se dire. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Deuxième heure du grand quiz de l'été pour ce jeudi. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre. Merci d'avoir choisi la première radio de France pour accompagner peut-être vos vacances de Noël ou pour tous ceux qui travaillent. Et ben voilà, on vous amène un petit peu d'esprit de Noël dans vos cœurs tout au long de cette semaine et puis surtout des cadeaux de Noël magnifiques. Nelly a gagné tout à l'heure son séjour à Disneyland Paris. Et bien, je vous propose maintenant de repartir pour un nouveau séjour. Et cette question que nous vous posons ce matin, est-ce que vous êtes plus princesse ou pirate? Est-ce que vous allez plonger au cœur d'un conte de fées aux côtés de légendaires princesses Disney ou lèverez-vous les voiles pour un voyage intrépide en mer? Nous vous invitons à choisir entre conte de fées enchanté ou aventure de pirate, épée aux couronnes, boulet de canon ou robe de bal. Vous allez vivre l'expérience féerique de Disneyland Paris. Je l'ai beaucoup moins bien lu que vous tout à l'heure, Caroline. Je me rends compte. Mais ça n'enlève rien à la féerie du voyage. Hein. Absolument, une épée est une épée, une robe de princesse est une robe de princesse. Évidemment. C'est deux jours de rêve avec des entrées limitées pour les deux parcs. Vous partez en famille, vous serez logés une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Et qui nous rejoint pour attaquer cette nouvelle heure ? C'est Laura. Bonjour Laura. Bonjour, Laure. Mais oui, pourquoi vous mettez un A, Bruno ? Mais je sais pas, Carolina. Ah ben. Si on veut pas. Mais non, faut pas lui en vouloir. Bonjour. Bonjour, Laure, excusez-moi. Je vous en prie. Ah ben non, pourquoi c'est pas moi ? Parfois, j'ai l'impression qu'il me parle à moi, mais non, en fait, on est tout trois. Tout va bien, tout va bien. Mais oui. Bienvenue avec nous, Laure. Merci vous êtes beaucoup. Attachée commerciale à Germigny, dans la Marne. Tout à fait. C'est bien ça. Voilà, jolie région que oui. Je ne sais pas situer sur la carte tout à fait. Mais non, je plaisante. Quand même, on a fêté le centenaire de la Première Guerre mondiale. Voilà. Il y a un peu plus d'un mois. Voilà, les taxis de la Marne, ça vous parle quand même. C'est quand même plus près de l'Allemagne que de. On n'était pas à l'époque des Uber. Mais oui. C'est près de Paris même. Hein. Oui, c'est près de Paris en fait, la Marne. Ah oui, à ce point. Alors. Oui, on est sur un vrai problème de géographie. Tiens, puisqu'on parle de géographie, voyageons un petit peu, chère Laure. Californie. Bah plus que des vacances quand même, Laure, on parle de bague aux doigts quand même. Oui, j'ai eu une jolie demande pendant nos vacances, c'était une jolie surprise dans un magnifique endroit, Malibu, voilà, avec un beau coucher de soleil. C'était couru vers vous dans un beau caleçon rouge. Avec une petite bouée. Ah, c'est vrai qu'en fait, j'aurais préféré qu'il fasse ça. Non, il s'est mis à genoux, le soleil se couchait, et voilà, et c'était beau. Vous avez dit oui ? Bah oui, j'étais obligée. Caroline a vécu une expérience à peu près similaire. On lui a fait une demande de mariage au Malibu, par contre. C'est pas mal aussi, c'est différent. Moi, après 10 Malibu, tout le monde a envie de m'épouser. L'abus d'alcool. Et bien entendu dangereux pour la santé. Vous revenez donc de Californie, on vous a demandé en mariage, c'est une belle histoire. C'est vrai que ça fait du bien, oui. Mazen Papaz. Oui. Bon, Laura, c'est moi qui vous pose les questions. Eh ben allez-y, je suis prête. Eh ben si vous êtes prête, tant mieux. Vous savez qu'en plus du séjour à Disneyland Paris que vous pouvez gagner juste avant 11h du matin, il y a dans les enveloppes de la Mère Noël de magnifiques cadeaux, des MacBooks, des iPhones, des iPads, des téléviseurs 4K, des PlayStation 4. Mais pour pouvoir prétendre gagner l'un de ces cadeaux, il faudra enchaîner 10 bonnes réponses et 10 bonnes réponses d'affilée. Oui. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Eh ben allons-y. Quelle boisson vous sert-on si vous commandez un demi ? Une bière. Comment appelle-t-on une exploitation de bétail aux États-Unis ? Je passe. Dans Le Roi Lion, quelle chanson entonne en chœur Timon et Pumba ? Je passe. Dans quelle petite cabine peut-on faire des photos d'identité ? Photomaton. Dans la fable de La Fontaine, la laitière et le pot au lait, quel est le prénom de la jeune fille ? Je passe. À quel outil de jardinage compare-t-on une antenne de télé ? Râteau. Quelle est la spécialité du journaliste RTL, Bernard Glass ? Je passe. Comment appelle-t-on le tour cycliste d'Italie ? La Vuelta. Dans quelle ville se déroulent la plupart des aventures de Batman ? Les États-Unis, New York City. Quel acteur belge est le roi des caméras cachées ? Damien. Quel type de coiffure est aussi le nom d'une marquise célèbre, favorite de Louis XV ? Je passe. Comment appelle-t-on une purée de fruits liquides qui nappe certains desserts ? Un coulis. Et le coulis est une bonne réponse. On revient sur vos réponses, si vous le voulez bien, avec Caroline, chère Laure. C'est moi. Ouais, c'est vous. Comment appelle-t-on une exploitation de bétail aux États-Unis ? Un ranch, des ranchs. Ah oui. Des ranchs. Ok, très bien. Je prends cette vanne de François Toucher, notre réalisateur. Tout à fait. Dans Le Roi Lion, la chanson cantonne en chœur Timon et Pumba, c'est Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ouais. Quels sont fantastiques. Cela signifie que tu vivras ta vie sans aucun. Alors, j'aime beaucoup, je reste assez fan quand même de la chanson du vétérinaire que vous avez peut-être entendue dans la première demi-heure de l'émission, peut-être un peu moins ouverte aux enfants, en tout cas. Dans la fable de La Fontaine, la laitière et le pot au lait, le prénom de la jeune fille, c'est la fameuse Perrette. Perrette et le pot au lait. Ouais. Quelle est la spécialité du journaliste RTL Bernard Glass? Mais c'est la course. Ouais. Enfin, les la course. Les courses hippiques. Oui. Pas la course à pied. Voilà, les courses hippiques. Vous avez proposé comme tour cycliste d'Italie et la Vuelta. Et le Giro. Si. La Vuelta, c'est l'Espagne. Bah oui. Mm. Et ouais. Et alors, pour vous, Batman, il est à New York City. C'est Gotham City. Ben oui, il a carrément sa ville. Non, mais moi, j'aime surtout la façon dont a été rédigée cette question. Dans quelle ville se déroule la plupart des aventures de Batman? Bah, c'est Gotham City. Hein. Ils ont essayé Poitiers au départ et puis ils se sont rendus compte que c'était pas. Attention, j'ai rien contre Poitiers, mais c'était moins allant à l'image. C'était pas. Et l'acteur belge qui est le roi des caméras cachées? C'est François Damiens, on se rappelle de son speech au César. Parce que moi, je connais le Xavier Beauvois, hein, les hommes et des dieux. Je n'ai rien contre lui personnellement. Hein. Mais ça ressemble plus à un documentaire Tibérine que... Et c'est pas par rapport à toi, Xavier. Hein. Et Johann Sfar, Gainsbourg. Respect pour Gainsbourg, hein, c'est pas... François, si on pouvait maintenant remettre le César. Je vais le faire, Antoine. Oui, merci. Toi, tu as payé, moi pas. Hein. Ce garçon est un génie. Un génie à l'état pur. Bon, alors. Pas terrible. Hein. Si, c'est bien. Mais vous savez, déjà, passer sur l'antenne de la première radio de France, se dire qu'on est écouté par des millions de personnes et oser répondre à des questions avec le stress et tout ce qui va avec, je trouve ça déjà très très bien. Et je ne dis pas ça pour minimiser votre score, bien au contraire, vous avez 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses, c'est jouable. Est-ce que ce sera suffisant? Ça, je ne peux pas le dire maintenant. Si on vous a à l'antenne juste avant 11h du matin, ce sera une bonne nouvelle. Là, pour l'instant, on vous offre une montre RTL. D'accord, Laure? Eh ben, c'est super. Eh ben, merci beaucoup et j'espère à tout à l'heure. Eh ben, à tout on à l'heure, peut-être. On vous le souhaite. Bisous. On vous embrasse. RTL, le grand quiz. C'est le grand quiz de Noël. C'est the fight to make ends meet. Palmer sur RTL en 1978, Every Kind of People. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Tradition oblige, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de prendre de bonnes résolutions et je serais curieux de connaître les vôtres, tiens. Parce qu'il ne faut jamais laisser un proche qui a trop bu reprendre le volant. Moi, j'ai toujours une chambre d'amis ou un canapé-lit à disposition et s'il faut confisquer les clés de voiture, pas d'hésitation. Pourquoi ? Parce que la nuit, un accident mortel sur deux est causé par l'alcool. Alors ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous responsables. RTL Petit Matin. Bonjour, c'est Stéphanie Loire. Cette semaine, dès 5h, nous allons partager vos réveils ensemble. On va jouer, s'informer, se marrer bien sûr, et puis évoquer tout ce qui nous attend en 2019. Cette émission, c'est vous qui l'a faite. Et à l'occasion de la sortie au cinéma de Mia et le Lion Blanc, je vous offre un voyage pour deux personnes en Afrique du Sud avec Thomas Cook et Air France. Stéphanie Loire, RTL Petit Matin. Alors à demain, 5h sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils sont verts. Chez Lidl, c'est pas trop tôt. Ah, mais non, c'est les citrons qui sont verts, patron. Ici, ils ont plutôt la banane. Demain et après-demain, le filet de 500 grammes de citron vert est à 1,49€. 1,49€ le filet de citron vert. Là, tu vois, tu vénères. Mais vous pressez pas le citron, patron, hein. C'est le vrai prix. Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 2,98€ le kilo, catégorie 1, origine Mexique, Brésil ou Guatemala. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Hey, t'es prêt pour le Super Boxing Day? 20 matchs de foot anglais pendant les fêtes, ça va être incroyable! Incroyable! Ah, je dirais même que c'est unbelievable! Ouais, c'est incroyable. Voilà! Le Super Boxing Day, c'est en ce moment avec 20 matchs unbelievable en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement. Appelez le 1055, service et appel gratuit. Offre soumise à condition 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19€ par mois en abonnement digital. Unbelievable. Incroyable. Auchan? Et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est tout l'équipement informatique d'Eric qui change. Avec 10% en cagnotte sur tous les ordinateurs portables, unités centrales et tablettes de marque Acer. Eric, chez Auchan, le dernier cri en matière de technologie, c'est souvent un cri de joie. Avec 10% en cagnotte, on comprend pourquoi. Wouhou ! Jusqu'à lundi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 10% en cagnotte sur tous les ordinateurs portables, unités centrales et tablettes Acer. Et votre équipement informatique change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. Grand quiz de Noël toute cette semaine de Noël et donc demain pour le dernier jour. Et Fabrice qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Salut Caro, salut Bruno. Salut Fabrice. Gérard Armet, vous êtes conducteur de bulldozer, nous sommes dans les Vosges. Voilà, exactement. Non, on est à Paris. Mais non. Tous les jours. Les fêtes de Noël se passent bien Fabrice ? Bah écoutez, ouais, tout s'est bien passé pour l'instant. Noël en famille. Exactement. Noël en famille et peut-être pour vous la possibilité de refêter Noël, puisque je rappelle que ce matin vous pouvez gagner un séjour à Disneyland Paris. Un peu de musique pour Fabrice. Sûrement ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de rock français, le groupe Chaka Ponk. Ouais. Vous êtes fan et nous sommes nombreux dans ce cas-là. On va parler, alors vous savez quoi ? On vous demande souvent en antenne ce que vous appréciez. On a un petit peu de musique, on a un petit peu de série télé. Je vais faire un quiz avec Caroline. Caroline, ce générique. Columbo ? Non. Mais c'est très connu. Ah, c'est très très connu, oui. C'est une série télé. Série télé actuelle. Ah, mais actuelle. Oui. Ah non, mais moi je suis Hercule Poirot et Columbo. Parce que Hercule Poirot et Columbo pourraient jouer dedans en guest, puisque ce sont des zombies. Les héros de cette série, c'est The Walking Dead. Ah oui, j'ai entendu parler. Voilà, avec la dernière saison. Moi je préfère The Walking Vivant. Ouais, c'est un autre délire. Donc là, on était sur la partie série télé. Partie cinéma. Là encore, blind test, Caroline. Ouais, ça c'est des films de super-héros, mais vous dire lequel C'est lequel votre préféré, Caroline ? Moi ? Oui. Alors moi, j'ai une passion absolue pour les X-Men. D'accord. Voilà. Mais lequel en particulier? Wolverine? Alors, Professeur Xavier? Non, j'aime pas Wolverine. Ah, très bien. Mais j'aime bien. Magneto, mais quand il est jeune. Ah, Magneto, d'accord, très bien. Voilà. Mais avant qu'il parte en vrille. Avant qu'il parte en vrille, et surtout tant qu'il a le physique de Michael Fassbender. D'accord, ok. Aime beaucoup. Bon, on a fait le tour de vos passions, Fabrice. Ouais. Je n'ose même pas vous demander, mais je vais le faire parce que je suis quelqu'un de curieux. Je vois que votre surnom, c'est Germinator. Ça n'a aucun rapport avec la culture et le jardin. Non, je pense pas, non. D'accord. Ah, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est, Germinator, en jardin ? J'ai même pas compris ma question. Non, mais je sais pas si vous pouvez répondre, mais moi je l'ai pas compris. Bon, en fait, si j'ai bien compris, c'est que vous plantez la petite graine, c'est ça, Fabrice ? Voilà, exactement. Voilà, ne m'en dites pas plus. D'accord. Gardons l'esprit de Noël entier. Et vous trouvez ma chanson du vétérinaire pas adaptée à toutes les oreilles. Oui, mais moi je suis dans le suggéré. D'accord. Fabrice, c'est Caroline qui va vous poser les questions. Oui. On a démarré l'heure avec Laure il y a de cela quelques minutes. Laure qui nous a donné 5 bonnes réponses. Ça veut dire qu'il faut au moins 5 bonnes réponses pour être dans la course. Fabrice, top chrono, c'est parti. Avec Gaspard et Melchior, quel est le nom du troisième roi mage? Balthazar. Combien compte-t-on de péchés capitaux? 7. Quel appareil est indispensable pour lire une VHS? Un magnétoscope. Comment appelle-t-on un bain de vapeur d'origine finlandaise? Un bain de vapeur, un sauna. Quel chanteur français s'est fait appeler un temps Captain Samurai Flower? Captain Samurai Flower, c'est pas Aurel San. Quel mot de trois lettres donne-t-on à la poêle bombée utilisée en cuisine asiatique? Un wok. Quel grand oiseau des océans donne son nom à un poème de Baudelaire? Passe. Comment appelait-on autrefois les marchands de charbon d'origine auvergnat? Passe. Quel rôle a fait la gloire de Rowan Atkinson à la télévision? Atkinson, passe. Quel est l'instrument de prédilection de Gauthier Capuçon? La trompette. Comment s'appelle le mari d'Huguette dans la série Scène de ménage sur M6? Raymond. Quel est le nouveau nom de la région née de la fusion du Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées? Paca. Non, c'est l'Occitanie. Non. Ouais. Bon, on va revenir, si vous le voulez bien, sur vos réponses. Il en faut 5. Est-ce que vous les avez? Eh bien, on va savoir juste après ça. Le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Pas eu le temps de regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami, pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages, pour être prêt à regarder sur mon visage toutes les marques que le temps laisse à son passage. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer, me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées, ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés. Pas eu le temps. Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier, c'était toujours plus loin que je voulais aller. Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Jamais en arrière, on ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi je referais tout si c'était à refaire. Oui, tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Mais le temps passe. Mais plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Mais plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être. Avec ses rêves plein la tête. Et il est trop lâche, il va trop vite. Le temps passé me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faut rendre celle-là. Nouvel extrait de l'album de Patrick Bruel, ce soir on sort. Pas eu le temps sur RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Savez-vous qui a été la première speakerine de la télévision française? Ou ce conte spécial, le Buscaril de Sucre et le Livingstone Express. Avec l'accent, on vous raconte les trains extraordinaires. Et sans l'accent, l'histoire des speakerines, c'est tout à l'heure, c'est à 14h et c'est sur RTL. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 50 gigas et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Carrefour, on a tous droit au meilleur des réveillons. Chez Carrefour, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo. Non mais c'est dingue, 15 euros en bon d'achat sur tous les jeux vidéo. Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? Ben c'est moi. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo avec votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Hors console et accessoires, offre limitée à 180 euros d'achat. Bon d'achat valable du 31 décembre au 6 janvier, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Lutter contre la pauvreté, c'est un combat. Lutter pour la dignité des personnes âgées et handicapées, c'est une mission. Lutter pour protéger les enfants, c'est un devoir. Lutter contre toutes les formes d'exclusion, c'est ça notre engagement. Mais c'est avec vos dons que l'Armée du Salut avance. Faites un don sur armeedusalut.fr, car certains combats méritent une armée. RTL. Le grand quiz. C'est le grand quiz de Noël. Fabrice est à Gérardmer. Et Fabrice, nous allons revenir sur vos bonnes et mauvaises réponses d'ailleurs. Gaspard Melchior, le troisième, c'est bien entendu Balthazar, comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger, comme le disait la grande philosophe Sheila. Sept péchés capitaux, c'est bon, magnétoscope, c'est bon. Par contre, le chanteur français qui s'est fait appeler un temps Captain Samurai Flower, c'est pas Orelsan. Tout va bien. Ça, c'est Orelsan. Captain Samurai Flower, c'était Pascal Obispo. Ah oui. Et alors, bizarrement, il est vite revenu sur cette idée. Mais voilà, c'est pas resté longtemps aussi. Non, c'est pas resté longtemps, c'est le temps d'un album. Quel mot de trois lettres donne-t-on à la poêle bombée utilisée en cuisine asiatique? Le wok, quelqu'un, comme on le dit souvent, qui c'est Captain? C'est wok. Non mais vraiment, faut pas vous laisser seul tous les deux. Hein, avec Bruno et le réalisateur. C'est wok, ça y est, je m'arrête plus. C'est wok. C'est wok. Ah, vous savez, j'ai la propension à pouvoir tirer une vanne jusqu'à temps que l'élastique pète. Et même avec le bout d'élastique dans les mains. Regardez-moi. C'est wok. Oui, là maintenant, on me dit que c'est trop long. C'est l'albatros, l'oiseau des océans, qui a donné son nom à un poème de Baudelaire à l'intérieur du spleen et de l'idéal. Comment appelait-on autrefois les marchands de charbon d'origine auvergnat? Les bougnats. Ah oui. Et puis, le rôle qui a fait la gloire de Rowan Atkinson à la télévision, je suis sûr que vous le savez, c'est Mr. Bean. Ah putain, oui, pardon. Il y a pas de souci, pas de problème. Ouais. Non, c'est la magie de Noël. Et évidemment, regardez. Hey. Oui, voilà. Hop, je rajoute des clochettes et franchement, ça. Parce que ça les passe. Lutins, puisque c'est le mot que vous avez dit, oui, c'est un oui. petit peu le mot de Noël. Vous avez dit ah lutin et évidemment. Oui, voilà. Évidemment. Je vous avoue, parce que je suis très honnête avec vous, Fabrice, que j'ai esquissé un sourire qui a failli se transformer en fou rire quand vous m'avez mis Gauthier Capuçon, joueur de trompette. Puisqu'il joue du violoncelle et dans la démarche, ça, oui. on n'est pas tout à fait dans le même type d'instrument. Non, on n'est pas d'accord là. Mais après, je peux vous dire que quand il a fini son concert, Gauthier Capuçon, avec son costume trois pièces et tout ça, dans les coulisses, avec ses copains... C'est pas le dernier à souffler dans une trompette. Alors, Fabrice. J'adore souffler dans la trompette. Oui, je me suis laissé dire. Allez, allez enchaîner derrière ça. Alors, cher Fabrice, il vous fallait 5 bonnes réponses. Vous en avez. Ça suffit, Gauthier. Hein. On lui file une trompette, il ne s'arrête plus. Vous en avez 6. Ah, bien. Vous êtes en tête. Vous êtes en tête, mais il y aura encore deux autres candidats avant 11h du matin. Bien pour l'instant, sûr. Montre RTL pour vous, Fabrice, d'accord ? D'accord. Et peut-être rendez-vous tout à l'heure. D'accord, pas de souci. Oui, c'est un nouveau jeu. Maintenant, on dit tous les ou en U. Oui, bien Alors. Sûr. Non, Johnny Hallyday l'a fait bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, restez sur RTL. On revient juste après ça. Oh, Gauthier, ça suffit. Le grand quiz de Noël sur RTL. One man. que j'aurais eu mon petit YouTube pendant Noël. Pride à l'instant avec In the Name of Love. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Alors là, je suis fier et je dis vive la France. Aïe, ça le reprend. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Il m'arrive que je suis heureux. Nous allons parler de la France avec Caroline Pigozzi pour les photos insolites des présidents de la Ve République, de Renaud Capuçon et son violon qui représente la France partout dans le monde, et Jean-Sébastien Petit-Demange qui nous racontera les trésors de notre bel hexagone. Alors, mes chers compatriotes, je vous le dis, vive la France sur RTL et rendez-vous à 11h dans La Bonne Heure. À tout à l'heure. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est tout l'équipement informatique d'Eric qui change. Avec 10% en cagnotte sur tous les ordinateurs portables, unités centrales et tablettes de marque Acer. Eric, chez Auchan, le dernier cri en matière de technologie, c'est souvent un cri de joie. Avec 10% en cagnotte, on comprend pourquoi. Wouhou ! Jusqu'à lundi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 10% en cagnotte sur tous les ordinateurs portables, unités centrales et tablettes Acer. Et votre équipement informatique change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Cyril, tu dis toujours d'Yvet foie gras du Sud-Ouest. Parce que c'est d'Yvet. Et foie gras, ça va avec Sud-Ouest. C'est comme ça. IGP, Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Lande, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie. Monoprix. Tu sais que t'es une privilégiée quand t'es invitée à un royal mariage alors que t'as même pas de particules à ton nom de famille. Et tu sais que t'es une super privilégiée quand tu vas aux ventes privées Monoprix sans carton d'invitation vu que t'as la carte de fidélité. C'est les ventes privées chez Monoprix. Profitez jusqu'à 50% de réduction sur une sélection d'articles mode avec la carte jusqu'au 8 janvier seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. Et c'est un grand plaisir de vous accompagner tous les matins entre 9h30 et 11h pendant cette semaine de Noël. Prolonger la magie de Noël avec ce séjour à Disneyland Paris que nous allons vous offrir. Pour l'instant, c'est un peu serré. Il y a Laure avec ses 5 points, il y a Fabrice avec ses 6 points. Rémi, peut-être qu'on va partir dans un escalier, que Rémi va faire 7 points, c'est tout le mal que je lui souhaite. Bonjour Rémi. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Rémi, bienvenue sur RTL. Vous nous appelez Merci. De Charente-Maritime, il me semble que quelqu'un connaît bien la Charente-Maritime. Bien ici. Sûr, Tonnet-Charente, ah, oui. Juste aux portes de Rochefort-sur-Mer. Mais oui, j'adore les portes de Rochefort-sur-Mer. Alors, vous êtes chauffeur, chauffeur de quoi ? Chauffeur poids lourd. D'accord, pas de commentaire, parce que dès que je parle, attends après. Vous aimez Johnny, la pêche et la moto ? Ah, vous mettez plus de virgule entre vos mots. Vous aimez Johnny La Pêche et la Moto ? C'est un chanteur, c'est son nom de famille. La Pêche et la Moto, et son prénom c'est Johnny. Est-ce qu'il y a un titre que vous aimeriez écouter de Johnny là pour vous détendre ? Allumez le feu. C'est bien pour vous détendre ça. Ça met la pêche. Bah. Bon. Un petit Johnny Hallyday. François Touchard avait prévu un Johnny Hallyday, mais vu que vous ne lui aviez pas demandé avant, il va envoyer celui qu'il avait choisi. François, regardez. Regardez cette classe de François Touchard. C'est quoi ? C'est lequel celui-là ? C'est Allumer le feu ! Ah ! Allumer le feu ! Ah, je Elle est calée en musique, hein, Caroline, c'est un plaisir. Non, mais je me rappelais pas du couplet. On laisse, bah le voici, le refrain. Ah ben voilà ! Là, je reconnais. C'est avec une chanson, il n'y a pas que le refrain, sinon les chansons feraient 12 secondes. Moi, je connais que les refrains. Alors, bah, refrain d'un autre titre de Johnny, parce qu'on aime beaucoup Johnny sur RTL. Dadu run, run, dadu run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Dadu run, run, run, dadu run. Un autre petit, allez, boudons pas notre plaisir. Souvenir, souvenir. Je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites ah oui, je peux vous dire que la mère, bien le dernier album. La mère Foura est en train de secouer la tête. Souvenir, souvenir, ça vous rappelle vos 30 ans. Mais vous êtes odieux. Et est-ce qu'on pourrait quand même avoir un extrait de cet album qui, à mon avis, s'est retrouvé sous beaucoup de sapins avant-hier à Noël, du dernier album de Johnny. Ça Vous savez, ce qui est flagrant, en fait, Rémi, quand on vient de faire ce petit voyage dans le temps avec Johnny, en partant de Dadou Run Run, en passant par Allumer le Feu, etc., c'est la qualité de sa voix qui, jusqu'à ses dernières minutes de vie, est restée identique avec cette énergie qui le caractérise. Et Dieu sait qu'en réécoutant ce genre d'extrait, on se dit que, décidément, il va nous manquer beaucoup. Bon, Rémi, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser des questions. Oui. Ah bah, bon, voilà une originalité. Et vous, ce que vous allez faire, Rémi, c'est que vous allez tenter de répondre à ces questions en me donnant un maximum de bonnes réponses. Pourquoi ? Parce que avec 6 bonnes réponses, vous pouvez prétendre gagner le séjour à Disneyland Paris. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pourrez choisir l'une des enveloppes de la Mère Noël et peut-être repartir avec un nouveau smartphone ou une console de jeu. Excusez-moi, j'essaie de comprendre. C'est moi que vous appelez la Mère Noël depuis lundi. Ok, mais je trouve ça pas très sexy, la Mère Noël. Bah, on peut pas trouver. Je vais vous montrer des photos de Mère Lady Noël. Lady Noël. Je peux vous dire qu'il y en a des très sexy. Allez, est-ce que vous êtes prêts, cher Rémi ? C'est parti. Top chrono. Quel héros légendaire a pour véritable nom Don Diego de la Vega ? Passe. Comment appelle-t-on le bonnet russe doublé de fourrure ? Passe. Quelle est la gourmandise préférée de Winnie l'ourson ? Le miel. Comment s'appelle le point culminant qu'atteint le soleil entre son lever et son coucher ? Le solstice. Quel chanteur a été découvert grâce à son titre « Fête de trop » ? Passe. Comment appelle-t-on un mot construit sur la base des lettres d'un autre mot ? Passe. Dans quel département se situe le circuit de Magny-Cours ? Passe. Au tennis, quel terme désigne la balle qui touche le filet ? Passe. Selon un personnage des Bronzés font du ski, que faut-il pour faire des crêpes au sucre ? Passe. Quel auteur britannique a écrit le livre Moonraker ? Passe. Et c'est Ian Fleming, c'est l'auteur de James Bond. Vous avez vécu, Rémi, ce qui s'appelle la panique de la première question. Pourquoi ? Parce que la première question, vous aviez la réponse, mais c'est parvenu tout de suite. Et puis du coup, après, vous bloquez. Et puis après, il y a la panique. Et on sait ce que c'est. Ben oui. C'est un exercice pas facile hein, de jouer en direct à la radio. On va revenir, si vous le voulez bien, sur vos réponses avec Caroline, Lady Noël, donc Lady Christmas. Le héros légendaire qui a pour véritable nom Don Diego de la Vega, c'est Zorro. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Ça, c'est du générique, monsieur Bouillon. Ah ben, c'est sûr que c'est pas le Walking Dead que je vous ai diffusé tout à l'heure, je vous le concède. Un Z qui veut dire Zorro. Zorro. Voilà. Le bonnet russe qui est doublé de fourrure, c'est la chapka. Ah oui. Comment s'appelle le point culminant qu'atteint le soleil entre son lever et son coucher ? C'est le zénith. Ah oui. Et l'excellent chanteur qui a été découvert grâce à son titre « Fête de trop », c'est l'excellentissime Edith Depreto. C'est la fête de trop. Moi je l'ai fête, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui le paillette et me réduis au chaos. Comment appelle-t-on un mot construit sur la base des lettres d'un autre mot ? C'est un anagramme. Par exemple, Pascal Obispo est l'anagramme de Pablo Picasso. Voilà. Le département dans lequel se situe le circuit de Magny-Cours, circuit de Formule 1, si je ne m'abuse. Oui, exactement. C'est voilà, le circuit de Nevers-Magny-Cours. Bon, bah, c'est dans la Nièvre. La Nièvre que j'aime beaucoup. C'est un endroit que j'aime bien. Au tennis, le terme qui désigne la balle qui touche le filet, c'est let. Ah, l'ILF. Et alors, les Bronzés font du ski. Oh, bah là, il faut quoi pour faire des crêpes au sucre ? Bah, la réponse, on l'a directement imagée avec un extrait du film. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici. Vous êtes trompé d'établissement. Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors, avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Et là, la scène où on l'éjecte du restaurant, et encore quelqu'un avec une crêpe au sucre. Bon. Chaque fois que je demande, depuis que ce film est sorti, des crêpes au sucre dans un restaurant, j'attends qu'on me dise, il n'y a pas. Parce que souvent, il y a des crêpes Suzette au plat. Moi, ce que je vous propose, Caroline, c'est que cette anecdote, vous la donniez hors antenne peut-être. D'accord. Après, okay. Attention, Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas intéressant. Mais comme le but de cette émission reste un tant soit peu de faire de l'audience, je me dis qu'il serait peut-être plus utile de faire cette anecdote en antenne. Moi, je trouvais bien mon anecdote. Rémi... L'auteur britannique qui a écrit, vous l'avez dit. Oui, c'est Ian Fleming, James Bond. Bah oui, mais on ne peut pas écouter Shirley Bassey chanter Moonraker. Mais elle chantait Goldfinger, Shirley Bassey. Ah bah non, c'est pas Shirley Bassey alors. Mais si, je... Qu'est-ce que... Oh là là, vraiment. Non, je vous dis en fait, ce qui se passe hors antenne, c'est que hors antenne, Caroline Diamant a fait Moonraker et elle confondait avec Goldfinger. Essayez pas de vous rattraper maintenant. C'est dégueulasse. Si ce qui se passe hors antenne devrait rester hors antenne. Rémi, une bonne réponse seulement. On va mettre ça sur le coup du stress. Mais vous savez quoi? Je vais quand même placer un cadeau au-dessous de votre sapin. Vous allez repartir avec une montre RTL. Ok. Bon, et des bisous. Et des bisous également. Rémi, on vous embrasse. Très bien, bah moi aussi. Et Caroline, je vous écoute quasiment tous les jours, grosse tête. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, vous savez quoi? Vous allez me gommer ce quasiment pour l'année prochaine et vous allez écouter tous les jours. Rémi, je vous embrasse. Et ça veut dire que nous avons un dernier candidat ou une dernière candidate qui va nous rejoindre avant 11h du matin, qui va repartir avec ce séjour à Disneyland Paris. Deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs. Eh bien, vous allez le savoir dans moins de 10 minutes maintenant sur RTL. Le grand quiz de Noël sur RTL, Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bonjour, c'est Caroline Dublanc, je vous souhaite de très belles fêtes. Joyeuses fêtes sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? T'es chez Lidl? Ah oui, c'est les semaines de luxe ici. Et en ce moment, les 12 noix de Saint-Jacques farcies au beurre à l'ail et au persil sont à 4,99€ les 150 grammes. Moins de 5€ les 12, encore un prêt à la noix. C'est le vrai prix. Et chez Lidl, 75% des références de poissons sauvages frais et surgelés sont labellisées MSC dans sa gamme permanente. Eh ben on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 33,27€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Supermarché ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine, rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. On a tous droit au meilleur des réveillons avec Carrefour Market. Pour passer un bon hiver, il faut un plaid bien chaud, un bon feu de cheminée et... Et des soirées raclette, Michel. Non, ben ça c'est sûr, son bon goût de fromage qui fond délicatement, j'adore. Jusqu'au 31 décembre chez Carrefour Market, la troisième barquette de fromage à raclette Richemont Classique Origine France est gratuite. Il va être vraiment très sympa cet hiver. Carrefour Market. Vos magasins Carrefour Market sont ouverts dimanche toute la journée. La barquette de 420 grammes. Pour votre santé, bougez plus. Liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. RTL. On a tellement de choses à se dire. Le grand quiz de Noël sur RTL, Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et je vous parlais de ce dernier candidat qui va tenter de gagner le séjour à Disneyland Paris. Bien, nous l'avons. On part à Lyon avec Albéric qui est avec nous ce matin. Bonjour Albéric. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Albéric, bienvenue sur RTL. Merci. Albéric, vous êtes fleuriste? Oui. D'accord. Prénom. Non, mais il n'y a pas de souci, le prénom est original et c'est vrai qu'on se demandait hors antenne, est-ce qu'il est issu d'une hésitation de vos parents entre Albert et Eric, et ils se sont dit allez hop, à l'arrivée on l'appelle Albéric. Non. D'accord. Albéric de Calonne. Albéric, voilà, c'est tout. Très bien, magnifique. De Calonne, c'est la suite du prénom? Non. Non, c'est le nom de quelqu'un de connu. Exactement, c'est c'était quoi, l'image historique. Mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, ça, quand on hésite entre deux prénoms, de faire un mélange de deux prénoms. Par exemple, vous hésitez entre Monique et Patricia, vous appelez Panique, votre fille. Hein. Ou alors, si vous hésitez entre Corinne et Bernard. Ça fait quoi? Je vais pas vous donner la réponse quand même. Corinne et Bernard. Ah oui. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est bon, cerveau. Tous les étages sont allumés. Albéric, vous êtes fleuriste du côté de Lyon. Je vois que vous avez participé à l'émission Tournée Manège. Oui. Oui, oui, il y a... Alors, je vois que vous ne l'assumez pas également. Vous... Ah, si, si, c'est périmé maintenant, ça fait quand même plus de 25 ans. Mais... D'accord, mais donc c'était à l'époque, donc il y avait Evelyne, Fabienne Négal. Evelyne Leclerc. Bon, Albéric. Oui. Allez. Ce que je vous propose, c'est que l'on joue tout de suite. C'est Caroline qui va vous poser des questions. Vous l'avez entendu, depuis le début de cette heure, c'est Fabrice, pour l'instant, qui est en tête avec 6 bonnes réponses. Ça veut dire qu'il vous faut au moins 6 bonnes réponses pour être dans la course pour le séjour à Disneyland. D'accord ? Je vais juste essayer de faire mieux que Rémi, et ce sera bien. Alors, oui, mais Rémi est un petit peu paniqué. Moi, le but, justement, de vous parler, c'est que vous ne paniquiez pas, Albéric. Attention, top chrono. C'est parti. Quel mot désigne la partie charnue du bout du doigt ou la chair d'un fruit ? La pulpe. Qui anime les carnets de Julie sur France 3 ? Je passe. Comment appelle-t-on une personne qui parle plusieurs langues ? Polyglotte. Dans les jeux vidéo, quel accessoire vestimentaire pend autour du cou de Donkey Kong ? Une banane. Quel animal entre dans la composition de l'escabèche ? Poisson. De quel groupe punk britannique Sid Vicious a-t-il fait partie ? Passe. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les petites villes fortifiées ? Passe. Quel cachet à poser sur un passeport est nécessaire pour séjourner dans certains pays étrangers ? Un visa. Qui a composé l'opéra Carmen ? Verdi. Quel mot anglais désigne une jeune entreprise innovante dans les nouvelles technologies ? Une start-up. Dans quel massif montagneux se trouve le domaine skiable de Font-Romeu ? Ouais, ça va être trop tard. Ce sont les Pyrénées, mais le gong a retenti avant que vous puissiez donner la réponse. Albéric ? Oui. On va revenir sur vos réponses juste après ça. Le grand quiz de Noël sur RTL. Attends. mes peurs disparaîtraient. Et moi, la nuit, je rêvais d'une vie incroyable. Indochine, Song of a Dream, à l'instant sur RTL. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Alors ce soir, en apéritif, cocktail de crevettes, en entrée, une salade de crevettes, en plat, un curry de crevettes et en dessert... Des crevettes ? Ah non, des kiwis. Aujourd'hui, les crevettes cuites sauvages sont à 1,69€ les 100 grammes et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 16,90€ le kilo. Crevettes cuites sauvages de 30 à 40 pièces au kilo, pêchées en océan Indien. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le montant de cette déduction. Carrefour, on a tous droit au meilleur des réveillons. Chez Carrefour, il y a 15€ en bon d'achat tous les 60€ d'achat sur tous les jeux vidéo. Non mais c'est dingue, 15€ en bon d'achat sur tous les jeux vidéo. Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? Ben c'est moi. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 15€ en bon d'achat tous les 60€ d'achat sur tous les jeux vidéo avec votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Hors console et accessoires, offre limitée à 180€ d'achat. Bon d'achat valable du 31 décembre au 6 janvier, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. C'est de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de Noël sur RTL. Et Albéric est avec nous, fleuriste du côté de Lyon, Albéric, qui anime les carnets de Julie sur France 3. C'est la délicieuse Julie Andrieux. Magnifique émission. Vous allez directement chez les gens, faire la cuisine, voir les recettes du terroir. Elle n'est jamais venue chez moi. Et je peux vous dire, bah oui, bah, faudrait pouvoir cuisiner chez vous. La cuisine, c'est un débarras. Et la proportion pour ces émissions, au bout de 5 minutes, on a faim et moi je grossis rien qu'en les regardant, sans manger. Polyglotte, c'était une bonne réponse. Donkey Kong, dans le jeu vidéo, a une cravate autour du cou. Elle a une forme de banane, la cravate. Et, non, elle n'a pas une forme de banane en plus, je crois qu'elle est rouge. De quel groupe punk britannique Sid Vicious a-t-il fait partie? Les Sex Pistols. C'est pas du tout mon style de musique, ça. Voilà. Parce que, regardez, si je rajoute les clochettes de Noël, on y est dans l'esprit de Noël. Ah, bien oui. Sûr, évidemment. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les petites villes fortifiées? Il s'agissait des bastides. L'opéra Carmen. C'est Georges Bizet. Yes. Albéric, vous faites le même score que Laure en début d'heure. On commence comme on a fini. On appelle ça une épanadiplose. Oui, oh ben je le pose c'est de temps en temps. C'est une maladie douloureuse ou pas? Non, pas du tout. C'est une forme de littérature et une façon de conclure de la même façon que nous avons commencé. Bref, tout ça pour dire que c'est avec 5 points que vous concluez ce quiz. Albert, ce sera insuffisant pour le séjour, mais je vous envoie avec grand plaisir une montre RTL, d'accord? C'est gentil, merci. Albéric, on vous embrasse. Et celui qui se réjouit à l'avance. Hors antenne, mais maintenant à l'antenne. Il a joué avec nous tout à l'heure aux alentours de 10h15. Fabrice ! Oui ! Le séjour à Disneyland Paris est pour vous ! Une merveille ! Bravo Fabrice ! Merci. Vous avez passé deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète et vous profiterez du festival Pirates et Princesses. Merveille. On vous embrasse Fabrice. Plein de bisous, passez un bon 31 décembre et de bonnes fêtes. Amusez-vous, bonne fête, bon réveillon à vous. Et je suis contente d'être là, voilà. Et ben non, j'ai pas bu. On va revenir demain. Demain, ce sera la dernière du grand quiz de Noël. On était là pour une semaine, donc mais demain, soyez là avec nous. D'ici là, Stéphane Bern qui va arriver dans quelques secondes à la bonne heure. Et là, vous allez voir, c'est une spéciale Vive la France et il va vous faire plaisir. Pourquoi ? Puisque ce matin, nous parlions de Gauthier Capuçon. Eh bien, un autre Capuçon se cache dans le studio. C'est Renaud Capuçon qui va accompagner Stéphane aux côtés de Caroline Pigozzi et Jean-Sébastien Petit-Demange. À la bonne heure arrive juste après les infos. Caroline ! Oui, Bruno ! Moi, je préfère qu'on conclue cette émission avec All I Want for Christmas Is You. J'adore. Que la chanson du vétérinaire. C'est vrai? Oui, vraiment, à choisir. Je suis d'accord, parce que vraiment, ce Maria Carré, ce titre, me met toujours en joie. Noël se fête sur RTL. Rendez-vous demain, à partir de 9h30. Merci de votre fidélité. Vous écoutez.